c'est une. D'abord, ça confirme ce qu'on voit sur le terrain en termes de présence des membres. C'est vrai que cet été, tout le monde a pris des vacances bien méritées, mais les candidats, on a fait le tour du Québec, on a rencontré des membres du parti, des militants qui, eux, étaient très mobilisés, sont venus à nos rencontres, sont venus à nos premières discussions. Il y a eu des mini-débats dans des régions. Pardon. Et on sent bien qu'il y a une forte réceptivité pour les idées que j'avance, que ce soit sur le référendum ou une immigration plus prudente ou le gel de la rémunération des médecins et tout ce que j'avance. Et donc, le sondage reflète cette montée-là, peut-être en la sous-estimant, parce que le sondage est fait auprès des électeurs péquistes. On parle des sympathisants péquistes, justement. Alors, qui sont ces gens? Tous ces sympathisants ne sont pas susceptibles de voter les 6 et 7 octobre prochains? Exactement. Alors, donc, seulement ceux qui ont une carte de membre du Parti québécois et qui la prennent d'ici mercredi, là. Ils ont 48 heures pour prendre leur carte de membre. Ça coûte 5 $. Vous allez sur pq.org et vous pourrez voter dans un mois. Et ça, il y a à peu près 90 000 personnes au Québec qui ont ce privilège d'être membre du Parti québécois et de pouvoir voter. Alors, parmi eux, évidemment, ils sont beaucoup plus attentifs à la course. Et nous, on a l'impression qu'on est beaucoup plus serré entre Alexandre et moi dans le décompte, mais c'est clair que ma campagne semble être sur une courbe ascendante.